Ouais, un, deux. 1, 2, 3, Est-ce que 4. tout le monde est chaud dans la salle? Ouh, grosse ambiance ce soir. On s'écoute ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors, je ne suis évidemment pas seul pour présenter cette émission. On va co-animer ensemble. Avec moi, c'est le magnifique Noé. Bonjour, bonsoir à tous. Comment ça va? Mais ça va très bien. Alors, très, très content autant le là. Dire, à chaque émission, on va changer d'animateur. Hein. Je commence pour cette émission, c'est la première. Et après, c'est toi qui commenceras à parler pour la prochaine. Exactement. Alors, on s'écoute ça tout de suite. En quoi ça va consister, mon cher Noé? Alors, on s'écoute ça tout de suite. Ça va être une playlist de chansons agrémentées de petites anecdotes de notre crew. Voilà, de des quoi briller en société ça. Tout en passant un bon moment. Voilà, exactement. Alors, pour rien vous cacher, c'est un pilote, hein, une émission test, donc on va sûrement bidouiller des choses, hein. On va peut-être changer le nombre de morceaux, parce qu'il y a eu débat sur le nombre de morceaux. Hein. Ouais. Le style de présentation, on verra bien, donc on ne sait pas même encore à quelle fréquence se déroulera l'émission, ce sera une fois par mois, une fois tous les deux semaines, je ne sais pas. Ça verra une fois la par charge semaine, de travail. Une fois par semaine, ça fait un peu beaucoup quand même, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de préparation pour une ouais. émission comme ouais, ça. C'est hein. soutenu comme ouais. Donc, à chaque émission, un nouveau thème, hein, et cette fois-ci, on a pris un thème qu'on connaît assez bien, hein, pour Exactement. Être dans le bain pour la première. C'est quoi surtout le premier toi, thème? Surtout toi, Vincent. Ah, moi, j'adore, c'est quoi? C'est un groupe britannique ouais. qui s'appelle Blur, ah, que vous connaissez plaît, peut-être, ça. Je ne sais pas, ils ne sont pas très connus. Oui, non, ils ne sont pas très connus, ils débutent. Hein. Alors, pour les autres thèmes, on a plein de petites idées, par exemple, les meilleures reprises, Exactement. Des trucs comme ça, les meilleurs instrumentales, voilà, instrumentaux. Les meilleurs instrumentaux, exactement. Et oui, bien sûr. Alors, bien sûr, comme c'est une émission test, on n'a pas cherché à traiter ça dans un ordre précis. Hein. C'est pas un ordre chronologique, donc on va parler des albums dans n'importe quel ordre. Hein. On va commencer par un album de 95, après prenez 93. Des notes. Voilà, prenez des notes, essayez de suivre. Hein. Et en fait, on va balancer chacun notre tour un morceau et on va en discuter. Hein. Donc, ça a été compliqué, on s'est arrêté à 5 morceaux chacun. Après on a dit ouais, ah, au on début. A peut-être 6 et puis après on s'est rajouté un petit truc en plus, on s'accorde un morceau en live chacun, donc ça fait 7 chacun. Exactement. Et donc je vais te proposer de commencer parce que c'est moi qui vais commencer de toute façon. Et on va commencer avec un morceau issu de l'album Park Life, hein, sorti en 94. L'album, on peut le dire, c'est considéré comme l'album le plus emblématique par les fans. Je ne sais pas si... Non, c'est pas le plus gros succès commercial de Blur, mais c'est l'album, ouais, mythique. Le plus emblématique, ouais, c'est celui... Le son Blur. Voilà, c'est ça, c'est le son Blur. Et on va commencer par Tracy Jacks, hein, écrit par Damon Albarn. D'ailleurs, écoutez bien les paroles parce qu'on va en reparler juste après. Et on s'écoute ça tout de suite. Try say Jack. to stay here and be no more. But it was always overrated. Et donc, Tracy Jack sur l'album Park Life. Quel morceau, hein, moi j'adore. Super. Et il faut super savoir, morceau. Alors, moi je me la suis pas joué genre mainstream à prendre que des singles. Hein. J'ai pris des morceaux comme ça qui sont pas sortis en single. Moi j'ai pris un morceau qui n'est pas un single. Ouais, moi j'ai pris quasiment juste que un. Des morceaux, je crois. Alors bon, ça aurait pu sortir en single parce que ça reste un des morceaux ouais. préférés des fans. Hein. C'est un morceau qui est directement influencé par XTC. Hein. Ça se sent, j'avais. Tout l'album en général. Ouais, est ouais, influencé et vachement par de toute façon, il me semble que le producteur. Enfin, non, le Andy Partridge, je sais plus qui c'est dans XTC. Je sais pas, bah on va se renseigner après. Alors, pour autant, si la chanson reste entraînante, hein, est-ce que tu sais de quoi parle le morceau, Noé ? Non, mais non, je non. brûle d'impatience et ben en fait, de le savoir. Et ben en fait, ça parle de Tracy Jack, c'est le mec qui est le plus banal qui soit, il a un boulot tranquille et tout, il fait du golf de temps en temps, mais il commence à vieillir, il fait un gros nervous breakdown, et là c'est plus très drôle, parce que les paroles disent par exemple à un moment qu'il regarde la mer, en regardant la mer, il décide d'enlever ses vêtements et de courir nu. Avant de se faire arrêter par la police, ou encore un beau jour, un mardi matin, This is a Tuesday morning, mm-hmm. il décide de détruire sa maison à coup de bulldozer, comme ça, sans raison. Donc c'est, voilà. C'est très blur de parler des petites gens, en fait. Enfin, c'est très anglais déjà. C'est on très l'a vu, avec les Kings et tout ça. Ouais. Les Blur, c'est vraiment c'est l'héritier de toute cette lignée de songwriter anglais. Oui, on continue avec toi ? Oui, bien sûr, on va continuer avec London Loves, parce que très souvent, qui dit Tracy Jack dit London Love. Il la joue d'ailleurs souvent enchaîné en concert, qui est aussi issu de Park Life, et on s'écoute ça tout de suite. Ah! Et c'était London Loves, issu toujours de l'album Park Life, qui a été produit par Stephen Street, oui. À qui on doit pas mal d'albums de Blur déjà, The Great ouais. Escape, celui d'avant, dont on va parler bientôt, Modern Life is Rubbish, qui est vraiment génial. Il a été aussi le producteur des Smiths, je sais pas si vous connaissez les Smiths, ouais, un groupe majeur de l'indépendant, du rock indépendant anglais. Et il était pas sûr que Park Life allait marcher. Ouais, ouais, c'est d'après ce que tu me disais tout à l'heure, Vincent. Pour la petite anecdote, il a dit que pendant l'enregistrement de l'album, il a dit que on est en train de faire une grosse erreur. Cet album va jamais marcher, alors que ça reste quand même un des albums les plus connus de Blur. Serait-ce que pour Girls and Boys, qu'on a pas mis dans notre playlist. Oui, alors, ça a été une torture de pas choisir les morceaux. Ça a été dur de se limiter. On en fera une Blur tome 2 parce qu'il y a encore plein de trucs. On finira à faire toute la discographie. Non, il y a Girls and Boys qui est un hit incroyable de Blur qui symbolise à lui tout seul la période Britpop. Avec bien sûr quelques morceaux de Suède et d'Oasis, ouais. Mais qui est vraiment incroyable. Et c'est juste à cet album-là qu'ils vont se laisser glisser vers la Britpop, après des albums vachement indépendants, très influencés par les Smiths. Ouais. Et du coup, c'est un tournant et c'est très, très sympathique. On voit tout dans cet album. Mais du coup, comme on parlait de Britpop, là, je vais continuer avec un morceau qui sonne radicalement différent avec du Blur actuel, hein, Bugman. Ah, alors là... Encore là, un nouveau style. Pour encore Blair. Un nouveau style parce que là on passe dans un album qui est sorti en 1999, il me semble. C'est on l'album fait un bon 5 ans en avant. Ouais. Ouais, donc on change complètement de registre avec cet album. Hein. On a des morceaux plus psychédéliques, plus expérimentaux. C'est leur album très très indie. Ils avaient déjà amorcé un virage avec Blur juste avant. Juste pour expliquer, ce morceau avec Graham Coxon, le guitariste, s'est fait très plaisir avec la distorsion. Ça part dans tous les sens. Il y a du gros son. Donc ne vous inquiétez pas pour le son. C'est normal. Ce n'est pas votre casque qui déconne. Et on s'écoute ça. Tout de suite. We'll be right back. Donc voilà, hein, vous avez entendu, hein, du gros son, ça part dans tous les sens, la guitare est sursaturée, à la fin, bah, c'est du n'importe quoi, space is a place et tout. On entend même une sorte d'aspirateur à un moment, donc ouais, c'est gros bordel. D'ailleurs, je mettrais ma main à parier que cette espèce de gros son, un mélange de feedback, de distorsion et d'un câble qui est complètement mal branché, d'un jack complètement mal branché, ça permettrait de symboliser la nuée d'insectes, parce que je ne vous cacherai pas que Bugman signifie homme insecte, oui, et que le thème de la chanson tourne autour de ça. Oui, mais on raconte aussi, justement, pour Bugman, on raconte que ce sera le nom du dealer, le nom de code du dealer de Damon Albarn à l'époque, parce que, bon, ça, faut savoir que la cocaïne, ça y allait, hein. On va en reparler, j'en reparlerai avec Alex James à un moment de la cocaïne. Un vrai aspirateur. Alors, et faut savoir, si vous aimez ce morceau, qu'il a eu le droit à un traitement de faveur, hein, parce que chacun des membres du groupe a remixé à sa façon le morceau, donc la version de Damon Albarn, c'est un truc un peu samba et tout, ça n'a rien à voir avec le morceau d'origine. Donc version CLC Dance. Et on peut retrouver tous ces morceaux remixés sur le single de Coffee and TV. Et en parlant de Coffee and TV, le roi de la transition, Vincent, encore frappé. Et en parlant de Coffee and TV, justement, puisque le morceau que j'ai choisi juste après, c'est Coffee and TV, qui est un single de Blur, qui est d'ailleurs son plus gros hit radiophonique, ouais, qui est excellent et qui est toujours sur l'album 13, du coup, vu que le single correspond. On reconnaît sur cette chanson le jeu de guitare de Damon Albarn qui est juste Damon Albarn. De Damon Albarn, oui, non, pas du tout, de Graham Coxon, qui est juste impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il est très inventif en fait avec sa guitare. Il se contente pas de toujours faire ses petits barrés, ses petits machins trucs. Oui, voilà. C'est pas Nirvana, quoi. Voilà, un petit peu. Il innove à sa manière et c'est super sympa. Donc on parlait tout à l'heure d'un gros virage indépendant et Blur ont eu pas mal de nez creux puisqu'on est en 99. Deux ans plus tard, le premier album des Strokes sort et après pendant 10 ans, on a une vague de rock indépendant qui déferle sur l'Angleterre et sur le monde entier. La chanson, oui, figure sur 13 en 99, j'ai déjà dit. On s'écoute ça tout de suite. Do you feel like a chain store? Right. Et c'était donc Coffee MTV, cette chanson géniale avec ce super solo de guitare à la fin, qui n'est pas des plus techniques, mais qui est hyper inventif et super agréable à écouter, je trouve. Cette chanson, elle est vachement aussi connue pour une seconde chose, c'est pour son clip qui a fait vachement parler de lui. C'est l'histoire d'une petite brique de lait. Trop mignonne. Qui, très très mignonne, qui vit dans la famille de Graham Coxon, le guitariste de Blur, et qui a imprimé sur son côté une photo de Graham Coxon avec marqué « Missing ». Et elle part donc à la recherche de Graham Coxon, qui rend triste toute sa famille en partant. Et après de multiples péripéties, parmi lesquelles il rencontre une briquette de lait féminine, qui se fait écraser, et on voit tout son lait tel une mare par de terre sang, et comme tout ça. Il se fait écraser, il se fait poursuivre par des chats et tout ça, et il finit par retrouver Graham Coxon qui est en train de répéter avec Blur, et il lui dit de revenir chez lui. Sa famine. Et voilà, sa famine. Dans sa famine. Si, la famine. Ouais. Très connu. Et du coup, il revient chez lui, et c'est la fin. Non, en fait, il meurt à la fin et il retrouve sa petite briquette. Mais c'est un super clip, je vous le conseille à tous. Alors d'ailleurs, pendant l'élaboration de cet album, et de l'aveu du batteur Dave Rountree lui-même, les relations ont commencé un petit peu à devenir compliquées parce qu'il y en a évidemment qui arrivaient en retard aux sessions, il y en a qui venaient pas parce qu'ils avaient trop bu, par exemple Graham Coxon. Il faut voir en Coffee TV une allégorie à son l'addiction. Alcoolisme. Ouais. Alex James aussi raconte, le bassiste, hein, qui raconte qu'il avait, composé plusieurs morceaux qu'il voulait faire écouter aux autres, mais qu'il a jamais vraiment fait écouter, hein, parce que ce serait pas passé vraiment, je pense. Et il avait lui-même dit de son aveu, hein, je comprends ce que George Harrison ressentait. Voilà, c'est triste. Hein, mais bon. Voilà, mais c'est un bon album, Certine. Je crois qu'on en reparlera pas juste génial, après, mais c'est un très très génial. Bon album. Et à mon tour, du coup, je sors mon Joker live. À toi. Et oui, c'est pour tout de suite mon premier live, mon titre live. J'ai choisi Oily Water, un morceau tiré de leur second album et mon préféré, sûrement Modern Life is Rubbish, sorti en 93. On va en reparler, mais il est génial. Cette Alors, le morceau, c'est pas leur plus connu, hein, mais c'est mon préféré peut-être de ce live. Hein. Alors, pour ce live, c'est donc Oily Water à Hyde Park, un de leurs plus gros concerts, c'était en 2009, et on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. Ah bah ce morceau j'adore, hein. Il est très hypnotique je trouve, très lancinant. Alors la voix de Damon Albarn est un peu bizarre, mais en fait il chante à travers un mégaphone, hein, qu'on peut entendre à la fin. Il a fait ça pour Gorillaz aussi. Ouais, oui, oui, bah il est habitué il du fait. Il aime beaucoup, hein, faire maintenant. Ça, ouais. Alors faut savoir que, Modern Life is Rubbish, c'est leur deuxième album. Et ils ont fait un premier album qui s'appelait Leisure, dont on va pas parler, hein. Je sais pas toi, moi j'aime bien cet album, mais... Il est sympa, mais il manque d'identité. Voilà, je pense qu'on peut se permettre. Ouais, voilà, bah c'est leur premier aussi, on peut leur excuser. C'est un bon album, hein, cependant. Et il faut savoir que l'album a bien marché, hein. La liesse a été de courte durée parce qu'ils ont quand même été pas mal critiqués par les médias. Et en plus, à cette époque, on leur reprochait des lives pas toujours au top, ils n'étaient pas toujours très bons. Leur tournée aux USA qui n'a pas marché. Et bien sûr, il y avait Suède qui était en train de grimper. À qui l'on doit, selon les journalistes, la Britpop. Voilà, avec leur chanson Animal Nitrate qu'ils ont fait en live au NME Music Awards, il me semble. Et qui à l'époque a fait couler beaucoup d'encre. Les gens n'avaient pas vu ça depuis David Bowie. Un groupe que t'aimes bien, hein, Suède. Ah, j'adore. Et donc, comme Suède commençait à faire parler de lui, ben Blur, ils ont été un petit peu bousculés. Et c'est sûrement ça qui a amorcé leur virage plus Britpop qu'on connaît maintenant, en fait. Juste pour finir avec Oily Water, on entend une guitare avec un petit trémolo au début qui ressemble fortement à une chanson des Smiths qui, comme par hasard, ont été produits sur cette chanson par Stephen Street aussi. Encore lui. Du coup, voilà, nous ne savons pas, voilà. Mais... C'est difficile de tirer des conclusions hâtives comme c'est ça, mais c'est peut-être un petit hommage à ces anciens protégés. On va enchaîner, du coup, directement avec un hit de Blur. Ah. Alors, on commençait à parler de la Britpop. Là, on est en plein on dedans. On est dedans. Voilà. On est sur l'album de Great Escape, qui est très sympathique, bien que la pochette soit très très très moche. Moi j'aime bien. Ce qui est récurrent chez Blur. Je t'expliquerai après, mais apparemment il y a une explication à cette pochette. Oh, on en parlera tout à l'heure. Et là c'est Country House, cette fameuse chanson qu'on va s'écouter tout de suite. Et on a quelques petites anecdotes juste après. I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it weighs on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. And looking bad prose, it's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. I'm so et c'était le fameux Country House. Pourquoi fameux ? Parce que c'est le single. Le single qui est sorti en même temps que Roll With It d'Oasis le même jour. C'est parce qu'il y avait, alors, pour remettre dans le contexte, une guerre médiatique entre Oasis et Blur qui avait commencé quand Oasis avait été élu meilleur single de l'année au NME Music Awards, au British, un truc comme ça, un ouais. Award en tout cas très regardé en Angleterre, et où ils avaient dit on voudrait remercier tous les gens, we want to thank all the people, et ils se sont mis à chanter all the people de Park Life, qu'on t'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, du coup ils se sont moqués, après Blur a répondu, après machin, après les médias en ont fait quelque chose d'énorme, et ça a débouché sur le fait que Oasis et Blur sortent un single le même jour. Et le problème, c'est qu'Oasis a sorti un single très pourri, enfin non, moyen, ouais, moyen. Et Blur a sorti cette chanson-là, et du coup, ils ont vendu, attention, tenez-vous prêts, 274 000 singles la première semaine, tandis que Oasis a fait que 216 000, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, Blur a remporté la victoire. Sinon, que dire, bah, c'est un très bon single, on entend des cuivres, c'est très dansant, c'est très poppy, c'est très Britpop. Voilà. Voilà. Et justement, on parlait juste avant de l'album Leisure et de cet album The Great Escape. Mm-hmm. Damon Albarn a dit « J'ai fait deux mauvais albums. Leisure, le premier, qui est un album horrible, et celui-ci, The Great Escape, qui est trop brouillon. Bah, » moi, je trouve pas. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est peut-être un de mes albums préférés. Il est peut-être un peu inégal, des fois. Ouais, mais en fait, entre 93 et 95, il y a eu trois albums. Je trouve que ça fait une très belle trilogie, la Modern Life is Rubbish, Park Life et The Great Escape. Ça va très bien ensemble. Et oui, on continue d'ailleurs avec The Great Escape, parce que là, déjà, on va mettre un morceau plus calme, hein, plus, on est d'accord. Plus posé. Voilà. Mais surtout parce que c'est probablement mon morceau préféré de Blur, He Sold of Cars. He pensait aux voitures. En gros, ça veut dire il pensait aux voitures. Alors pourquoi mon morceau préféré ? Je ne saurais même pas dire pourquoi, parce que d'habitude, j'aime les morceaux assez nerveux. Mais là, c'est tout le contraire. Hein. Elle est loin d'être la plus connue, d'ailleurs. C'est tiré de l'album The Great Escape, l'excellent The Great Escape, et on s'écoute ça tout de suite. C'est He Sold of Cars. He Fought. Moscow still read the young man's dead. Gone to heaven instead. The evening news says he was confused. The motorways will all merge soon. Lottery winner buys the moon. They've come to save us, the space invaders. He thought of cars, and where to drive them. Who to drive them. Wants to go up into the blue, but there's a 10-year queue. Columbia is in top gear, it shouldn't snow this time of year. America's sure she's gone and done the lot. He bought a plane, where to fly to? Fly their will, but there was no one, no one. La la la la la. La. Alors c'est peut-être à dire, mais dès que j'entends ce morceau, je pense à la solitude. C'est vrai que c'est très très lancinant. En même temps, quasiment tous les morceaux de cet album sont liés par ce thème, hein, la solitude et tout. Et d'ailleurs, c'est Damon Albarn, hein, qui parle de lui. En fait, Damon Albarn, c'est bien, c'est simple, il parle de lui quasiment dans toutes les chansons. C'est un égocentrique, Damon Albarn. Ouais, c'est un mec un peu bizarre. Et apparemment, à la ville, il est pas super fréquenté. Il parle de lui d'une façon ou d'une autre dans quasiment tous les morceaux qu'il écrit, de toute façon. Bon, Noé, une petite chanson pour continuer tout en allégresse et en joie. En joie. C'est mon live à moi. C'est For Tomorrow, un live à MTV qu'on a chopé sur YouTube, mais qui est super sympa. Oui, alors c'est du YouTube, hein, on n'a pas trouvé autre chose. On n'a pas trouvé autre chose, mais c'est super sympa. C'était pour la promo de leur album Modern Life is Rubbish, qui est un petit peu l'album du succès, entre guillemets, pour Blur, qui présage de Park Live juste après. C'est un peu un conte de Londres, comme tout à l'heure on parlait des grands songwriters anglais, c'est vraiment là que pour moi ça atteint le paroxysme. C'est génial, c'est acoustique, et on vous met ça tout de suite, on s'écoute ça tout de suite. He's a 20th century boy, with his hands on the rails. He's trying not to be sick again. And holding on for tomorrow. London eyes cracks on a seamless line. He's hanging on for dear life. And so we hold each other tightly. And hold on for tomorrow. Singing la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Holding on for tomorrow. She's a 20th century girl with her hands on the wheels. She's trying not to make him sick again. And seeing what she can borrow. London said I'm back in your seamless rhymes. But we're lost on the west way. And so we hold each other tightly. And we can wait until tomorrow. Singing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Holding on for tomorrow. Trying not to be sick again. And holding on for tomorrow. She's a 20th century girl. Hanging on for dear life. And so we hold each other tightly. Said my it's rubbish. I'm holding on for tomorrow. Susan comes into the room. She's a naughty girl with a lovely smile. Says, take a drive to Primrose Hill. It's windy there and the view's so nice. London eyes can freeze your toes like anyone. I suppose you're holding on for tomorrow. Et voilà, c'était For Tomorrow en live à MTV en 93 avec le petit Graham Coxon, toujours tout seul avec sa petite guitare acoustique et le petit Alec James très en verve, rien à voir avec le groupe de Britpop à l'époque qui, je sais pas si vous l'avez entendu parce que la qualité est pas top top, mais nous fait un petit solo de basse dans le pont, ouais, avec juste la guitare rythmique, c'est super sympa. Donc sur cette période de Blur, moi ce que je voudrais appuyer comme point, c'est leur style vestimentaire. Juste avant qu'ils sautent dans les années 90 avec le goût des années 90 qu'on connaît, ils s'habillaient sur cet album d'une classe, ils ressemblaient à vraiment un mix de toutes les sous-cultures anglaises et tout ça, c'était vraiment des super beaux gosses. Ils avaient à peu près 25 ans, un peu, tous en moyenne d'âge, et c'est dommage qu'ils aient oublié ça. Même s'ils gardent ces polos Fred Perry, le cher Damon Albarn, c'est dommage qu'ils mettent plus les petits costumes en soie et tout comme à l'époque. Oui, justement, il y a deux versions de ce morceau. Il y en a un qui a... Alors, un sans cuivre, et il y a un morceau qui a été légèrement remanié, qu'ils ont rajouté, je crois, après dans l'album, avec un petit passage, le petit pont là au milieu, avec du cuivre et tout, ça rend très très bien. Et j'ai vu un commentaire YouTube sur cette chanson qui disait « One of their finest la-la-la ». Ce sont leurs meilleurs la-la-la. Parce qu'il faut savoir que Blur fait beaucoup de la-la-la dans leurs morceaux, et réécouter du Blur, vous verrez qu'il y a du la-la-la dans quasiment tous les morceaux. Et pour ma part, je vais rester dans mon album The Great Escape dont on a parlé juste avant. on revient à The Great Escape. On fait du rétro-pédalage parce que j'ai réécouté cet album en faisant cette émission et j'ai redécouvert un morceau qui m'avait pas vraiment frappé à l'époque, mais pourquoi pas proposer du Blur un peu moins connu. Hein. Et donc c'est Mr. Robinson Quango, hein, et j'aime bien les changements de vitesse, écouter les changements de vitesse, de voix, de sonorité, donc je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Expensive car, runs the buses in the evening sky. We got a hairpiece, ooh, we got herpes. His private life is very discreet. A nicer man, no, you're never gonna meet. He's a self-professed savior of the dim right ring. A respiratory problems and a masonry. And he's Quango. Drinks with generals and county wives. A family business is doing alright. But there is tangos. Down in the Quangos. Makes them tickle, makes them talk. And if you don't fit, it puts you in the dock. Just sits in his leather chair and twiddles his thumb. Gets the secretary in and pinches a bum. Thank you. got the damn right ring. He got respiratory problems and a nasal shriek. Je sais pas si ça te fait ça aussi, Vincent, mais je trouve que cette chanson-là, on dirait vraiment Country House, mais on enlève le côté pop et on part dans un côté beaucoup plus aventureux. Avec la grosse guitare, ouais. Voilà, et c'est assez sympa de retrouver ces sonorités, mais dans un rock beaucoup moins accessible et beaucoup plus aventureux. Alors, comme j'ai dit, c'est toujours sur The Great Escape, hein, l'album de 1995. Et pour la petite anecdote, ils ont eu du mal à trouver un nom pour l'album, parce que l'échéance approchait, ils avaient toujours pas de nom. Et Alex James avait dit à la radio, d'ailleurs, il expliquait qu'il testait des titres comme Wire Life, Dark Life, Next Life, parce que Park Life, ça a bien marché. Alors, mais bon, ça marche pas à tous les coups. Et d'ailleurs, en parlant d'Alex James, on a une petite anecdote. En parlant d'Alex James, tu veux en parler? Oh, je peux. Vas-y, je te laisse. Alors, on a le découvert sujet. Un truc fou en préparant cette émission. C'est que déjà, c'est un chroniqueur gastronomique pour le Sun. Hein, En fait, à peu près tous les membres de Blur font des trucs à côté. Et on sait pas, voilà. Par exemple, Dave Runtree, il fait de la politique. Voilà. Graham Coxon, il boit. Il boit, ouais. Damon Albarn, il fait des nouveaux groupes. Il fait plein de nouveaux groupes. Voilà. Et justement, on s'est aperçu que Alex James, le bassiste, c'est un gros passionné de fromage. Et en gros, il a deux passions dans la vie, la clope. Ouais, parce qu'il tire avec toujours le fromage. Et il a une box de fromage à son nom sur un site. Alors, est-ce que t'as le site? Le site, alors attention, ça s'appelle pongcheese.co.uk. Et on peut commander la cheese box from Alex James avec des fromages qui viennent de son exploitation. Ouais. Alors, on a par exemple des petits fromages de chèvre frottés à la vigne. Des trucs bien délicieux. Ou alors du gros bleu de fromage qui pue. D'ailleurs, je savais pas qu'ils faisaient ça en Angleterre aussi. Ça coûte 26 livres, je crois. 26 livres la box avec 4 fromages dedans. Ça me dit bien, moi. Je pense qu'on la prendra pour la goûter. Je pense que, ouais. Pour journaliste d'investigation, on va prendre cette box. Parce qu'on va faire un podcast en écoutant du fromage. Bon, on enchaîne avec quoi, Noé? On enchaîne avec Park Life, issu de l'album Park Life. On y revient toujours. Faut rendre à Park Life ce qui est à Park Life. Cette chanson-là, pourquoi je l'ai choisie? Parce que déjà, elle est très connue. Mais pourquoi je l'ai choisie? C'est parce qu'on y entend Phil Daniels, le héros du film Quadrophenia, dont on reparlera juste après. Et vous allez voir, il a un accent cockney jouissif à couper au couteau. On s'écoute ça tout de suite. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Et voilà, c'était Park Life, un morceau tout en énergie, avec donc le grand Phil Daniel qui a joué, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Quadrophenia. Quadrophenia, qu'est-ce que c'est ? C'est un film. Je ne l'ai pas vu. Oh, c'est quel manque de curiosité de ta part. C'est un film réalisé par Frank Rodham, qui est les Who, puisqu'on est dans la grande famille du rock anglais, du rock londonien, et qui narre l'histoire d'un jeune mod. Un jeune mode, qu'est-ce que c'est un mode ? Vous aurez le droit à une émission sur un mode dans les années 60. Et en fait, ce qui est drôle avec ce film qui est sorti en 79, c'est qu'il a vachement relancé le mouvement mode. Ça conjugué avec les jams qui font partie du gros revival punk qu'il y a eu en 60, à peu près 78 à 80, 82. J'ai dit revival punk, mais c'était le revival mode, bien sûr. Et je voulais aussi revenir vite fait sur Frank Rodham qui avait réalisé le film. Vous savez ce qu'on doit d'autre à Frank Rodham ? Tu as une idée, Vincent ? Non. On lui doit aussi, attention, on l'a vu où ? On l'a vu dans... Lost. Non, on lui doit... Attention, on une lui série, doit... série, un film. On lui doit, il a produit... Je sais pas. Il a produit Masterchef UK. On doit Masterchef à Frank Rodham. Trop bon, quoi. Il a produit un film. Pour rester dans les anecdotes culinaires. Ah bah carrément. Et voilà, donc cette chanson est géniale. On retrouvera Phil Daniel sur l'album Think Tank. Ouais. Parce que si vous prenez en fait la première track de l'album et que vous faites reculer. Rewind. Et ben vous tombez sur une ghost track secrète sur laquelle on entend Phil Daniels. Mais on va pas trop parler de Think Tank. Non, mais on en reparlera juste rapidement. Rapidement, on va. Alors on juste va rouler pour dire, Park Life, c'est leur plus grosse période de débauche, hein, parce qu'il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de cocaïne, beaucoup de succès et beaucoup de filles. Beaucoup d'alcool. Graham Coxon est devenu alcoolique, voilà, comme on disait. Alex James racontait d'ailleurs, il avait acheté un Balthazar de champagne. Alors je sais pas si tu vois, c'est une bouteille de 9 litres, donc ça fait 12 bouteilles environ. Et il a choisi les 4 plus belles groupies pour aller boire ça dans sa chambre d'hôtel. Donc au total, il raconte qu'il avait dépensé 1 million de livres en champagne et en cocaïne. Donc tu vois, ça fait. Voilà. Bon, alors ça veut dire. On va encore retourner en Modern Life is Rubbish. Ouais, on aurait dû faire une émission chronologique. Hein. Ouais, on se disait ça pendant la chanson. Alors on va retourner du côté de Modern Life is Rubbish. Alors clairement, je sais pas quel morceau prendre parce qu'ils sont tous assez cool et ils sont pas tous assez connus. Et j'ai choisi Collins Hill. Collins Hill, c'est un morceau, ma foi, bien sympathique. Il y a quelques morceaux au début qui sont vachement bien. Donc on va s'écouter de Collins Hill tout de suite. C'est parti. Looks like himself, he's so pleased with himself. While sitting in traffic, darling, things seem automatic. He's an immaculate dresser, he's your common aggressor. Collins, the modern retard, with a love of bombast, keeps his eye on the news, doesn't dwell on the past. Looks at his watch, he's on time yet again. Looks at his watch, he's on time yet again. He's pleasing himself, he's pleasing himself, he's so pleasing himself. Oh, he's pleasing himself, he's pleased with himself, he's so pleased with himself. Oh. Alors j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau, je trouve qu'il est juste cool en fait. Alors rapidement, la chanson, ça parle d'un gros connard, c'est vrai, c'est un gros comme dans Charmless Man, hein, c'est un gros connard. Et il y avait un commentaire drôle hein, sur YouTube qui disait c'est la meilleure chanson à propos d'un gros connard que j'ai jamais entendu. Et voilà, je vais bien, voilà. Et comme j'ai pas grand chose à dire sur ce morceau, j'aimerais juste qu'on revienne sur les morceaux, sur les albums dont on n'a pas parlé. Voilà, ce sera pour un tome 2 peut-être. D'abord Leisure, le premier album de 91. Qui est bien, mais ils sont pas encore dans leur style qu'on connaît, quoi. Donc il est peut-être moins accessible du coup. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. C'est très imprimé dans l'époque, c'est-à-dire l'époque c'était les Stone Roses, les grosses guitares du shoegaze, les gros baggy, les premières free parties. Donc c'est inscrit là-dedans, mais on sent que Blur ils sont pas trop à l'aise là-dedans. Même s'il y a bien sûr des tubes comme There's No Other Way, il me semble. There's No Other Way, qui est très très bon, ouais. Sing aussi, qui est très avec, ouais, que j'adore aussi. Think Tank, on en a pas parlé. Pourquoi? Bah, parce que le groupe était en froid. Ils se remettent ensemble en 2003. Ils sortent un album, une pochette de Banksy, Phil Daniels qui revient. Mais y a pas Graham Coxon. Y a pas Graham Coxon. Ouais. Donc y a pas Graham Coxon. Y a pas Blur. Y a pas de guitare. Ouais, parce que justement. No Graham, no party, comme juste avant de venir, j'ai regardé un concert de Blur au Bataclan qui était en 2003 où c'était leur Think Tank era. Donc ils ont fait quasiment que des morceaux de Think Tank et ça manque de Graham Coxon. Quoi, ça se sent tout de suite dans le son quand ça manque. Et aussi, on n'a pas parlé de le dernier album qui est sorti l'année dernière, The Magic Week. Pourquoi on n'en a pas parlé? C'est un bon album, j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai pas encore eu le temps de bien l'assimiler pour trouver les morceaux. Il y a des bons morceaux. Et puis, il y a toujours ce côté, là, c'est des vieux albums qui ont une histoire, qui sont inscrits dans le temps. Je pense que c'est trop frais encore, The Magic Week. Hein, exactement. Peut-être que dans 10 ans, on dira, waouh, quel album incroyable, mais pour l'instant, c'est vrai que peut-être soit il est trop en avance, soit il est trop en retard. Ouais, aussi. Je pense que dans 2-3 ans, quand je l'aurai encore réécouté plusieurs fois, je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, on a une grande chanson de Blur. Je trouve que c'est vraiment une très grande chanson. Très, très bonne chanson. Une chanson très pop et pourtant très posée qui s'appelle Beetle Boom. Et je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Beetle bum, step away. She tells me. Quel morceau ! Quel morceau super, issu de l'album éponyme de Blur, qui est sorti en 98, si je ne m'abuse. 97 ou 98, j'avoue que j'ai même pas regardé sur mon fiche. C'est 97. 97, bah on voilà. On n'a pas beaucoup parlé de cet album, d'ailleurs. On n'en a même pas du tout parlé, c'est pour ça qu'on va s'y attarder un tout petit peu. Déjà, c'est sur cet album que figure la chanson la plus connue de Blur. Wouhou ! Exactement. Wouhou ! Qui a été dans la bande-annonce de la moitié des films d'action des années 2000. Et de FIFA. Et de FIFA aussi, voilà. C'est vrai. C'est vraiment la chanson la plus connue de Blur, c'est marrant. Et du coup, c'est... Alors que c'est la moins Blur de tout le... Exactement. Tout ce qu'ils ont fait. C'était juste après la Britpop. La Britpop commençait à s'essouffler. Ouais. Et là, ils ont commencé à faire du rock indé. On a entendu 13, des extraits de 13. C'est un peu l'apogée de ça. Mais du coup, voilà, ils sont plus grungy. On sent que le grunge, ça marche bien. Ouais. Kurt Cobain est mort depuis 4 ans à peine. On sent que voilà, ça marche bien. Ils ont essayé de se réinventer. Et alors, juste pour en revenir vite fait à Beetlebum... Alors, certains disent que ce serait un hommage caché aux Beatles. Ah, je vois pas du tout, là, franchement. Il n'y a pas beaucoup d'indices, à part juste Beatles dans le... Voilà, et que ce soit une pop song bien construite, avec une fin un peu psychédélique, peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'est une très grande chanson qui est assez connue de Blur, qui figure sur leur Best Of, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, hein, ça en dit beaucoup. C'est mais si vous voulez connaître Blur, les best-of sont quand même très bons. Et y a quand c'est même un super moyen de commencer. Ouais. Un best-of de Blur, ce fameux best-of où on voit la tête des quatre membres du groupe dessinée très succinctement. Il est super sympa. Et voilà, c'est à peu près tout pour Beatlebum. On viendra vite fait à Blur, l'album. Juste pour, après. Juste pour la fin de l'émission. Parce que là, j'attaque l'avant-dernier morceau. Hein. J'ai choisi The Puritan. Hein. C'est le morceau le plus récent d'eux qu'on a dans notre playlist aujourd'hui. Ça vient de leur EP Under the Westway, hein, qui est sorti en 2012. C'était pour leur reformation et aussi pour fêter les JO de 2012. Ouais, ils se reformaient pour ça vite fait. Enfin, voilà. Ils se reforment tous les ans. Ils se reforment tous les ans. En 2010, ils avaient déjà sorti Fool's Day. C'était pour le Poisson d'Avril, un morceau qui est très très bon d'ailleurs. Quand j'y repense, j'aurais dû le mettre. Et ce sera pour le tome 2. Ce sera pour le tome 2, voilà. Donc on s'écoute tout de suite The Puritan de 2012. C'était The Puritan de l'EP Under the Westway en 2012. Ouais, ce morceau témoigne toujours de la recherche des sonorités de Blur, qu'ils essayent toujours de coller à leur époque. Ouais. Et on entend la petite rythmique électro sur un vieux Casio pourri. C'est super actuel. Ça, c'est en génial. Fait. Ça fait un peu kitschouille, mais j'adore. Et pourtant, moi qui ne suis personnellement pas grand fan d'électro, je trouve cette chanson vraiment énorme, quoi. Elle est super. Mais c'est un hit à en devenir. Je préfère ce morceau-là à Under the Westway qui est sorti. Une petite balade sympa, Under the Westway. Elle est jolie, c'est une belle chanson. C'est vrai. Une ode à sa ville. C'est la fin de l'émission, hein. Merci de nous avoir suivis. Il reste encore un morceau, hein. Vous ne nous quittez pas tout de suite. Hein. Ah, on mais on va le passer tout à l'heure. Là, pour l'instant, ça va être un petit peu l'heure du débrief. Hein. Donc, c'est une émission thèse. Il y a encore des choses à régler, des trucs à finir. Jason, on attend ton logo, bien sûr. Mais bien sûr, petit débrief. Hein. Quelles sont les choses à améliorer? Ah, peut-être on disait l'ordre chronologique. La après, chronologique. On va dépendre du thème. Ça va dépendre du thème, exactement. Après, on attend aussi vos retours. Mais surtout, là, que c'était compliqué parce qu'on voulait alterner des chansons un peu plus avec plus de patates et voilà. D'autres plus calmes et tout. Donc voilà. On a peut-être à retravailler la setlist. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre à retravailler? La durée, on est à presque 1h30. Ouais. Je pense qu'au niveau des morceaux. On va faire la 1h30. Alors ça va dépendre. Si on fait un truc sur AC/DC, bien sûr, il y aura 30 morceaux parce que c'est des morceaux de 2 minutes. Mais bon, là, on a 14 morceaux, je pense que c'est bien. Donc, quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être dans 2 semaines. Peut-être dans 2 semaines. Allez, allons-y. Quel thème? Est-ce qu'on annonce le thème ou on pourra changer entre-temps? Mais Ouais. On va y réfléchir. On va y réfléchir. On annonce pas ça tout de suite. Hein. Mais bien sûr, la playlist n'est pas finie. Et je laisse la parole à Noé pour le dernier morceau de cette émission. Et on va se quitter avec une chanson triste, mais belle. Une chanson qu'on écoute seule chez soi ou en rentrant du travail. Dans le bain. Une chanson à propos d'une rockstar dépressive. On sait pas vraiment de quoi elle parle, mais... Mais si on l'écoute en pensant à ça, ça a vraiment tout son sens. Une très belle chanson de Blur qui s'appelle Country Sad Ballad Man. Et on s'écoute ça tout de suite. Yeah, I found no